ça fera de la bidoche pour l'armée. Les partouzeurs de Miss Métro patrouillent au fond des souterrains, mais ils rêvent d'être en hélico à se faire du neg et du youpin. Les faux comptables, leurs initiales dans le brouillard des No Man's Land, et les démasqueurs de scandale prennent le goulag pour Disneyland. Les gringos sortent un vieux crooner pour le western du silence. Demain au Bourgenbrückeler, je léguerai mon âme à la science. Car moi je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre mes mains. Guignol connaît pas de son métier, je ris à m'en faire traîner. Depuis qu'un méchant gros minet joue aux flips avec leur Coran, les dieux changent de beurre en vaseline et les prophètes jouent Dracula. Si vous reste un fou de margarine, j'en aurai besoin pour ma coda. Car moi je n'irai pas plus loin, je tiens la tête entre mes mains. Guignol connaît pas de son métier, je ris à m'en faire. Ta queue dans la chaux-vive et t'hésites à choisir ton camp. T'as des amaches à Tel Aviv et des amours à Téhéran. Si tu veux jouer les maquisards, va jouer plus loin, j'ai ma bléno. Tu trouveras toujours d'autres fêtards, c'est si facile d'être un héros. Son métier, je ris à m'en faire crever. Retour au joint et à la bière, désertion du rayon képi. J'ai rien contre vos partenaires, mais rien contre vos petites heures et nuits. Manipulez-vous dans la haine et dépecez-vous dans la joie. Le crapaud qui gueulait je t'aime a fini planté sur une croix. Et moi je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre mes mains. Guignol connaît pas de son métier. Non moi je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre mes mains. Guignol connaît pas de son métier, je ris à m'en faire traîner. À mon frère, à mon frère, à mon frère, à mon frère. À mon frère.